enfin un père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Fabrice Drouel. Et moi, Marion Glémé. Et nous allons vous raconter ensemble l'histoire du chapeau de Gigi. Par un beau matin d'été, Gigi, la girafe, décide de quitter son zoo pour aller acheter un chapeau. Dès les premières heures de la journée, le soleil a commencé à darder ses plus puissants rayons, si bien que Gigi craint un coup de soleil sur ses beaux ossicônes. Hélas, arrivée devant le magasin de chapeaux, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas entrer dans la boutique à cause de sa trop grande taille. Que les portes des humains sont basses. Triste et dépitée, Gigi retourne au zoo. Sur le chemin, elle croise son amie Sorina, la souris. Bonjour Sorina, saurais-tu m'aider ? Oh oui, bien sûr, je suis toujours prête à tirer ma grande amie de l'embarras, dit la souris. Voudrais-tu aller m'acheter un chapeau ? J'ai essayé, mais je ne parviens pas à entrer dans le magasin à cause de mon long cou. Bien sûr, avec plaisir, lui répond Sorina. Je vais y aller pour toi. En plus, j'adore me rendre en ville et faire du shopping. Le lendemain matin, après avoir bu son grand jus d'orange pressé, Sorina se rend à la boutique. Elle est si petite qu'elle peut entrer sans encombre. Cependant, une fois dans le magasin, elle a beau crier, hurler, personne ne l'entend. S'il vous plaît, madame, monsieur, où pourrais-je avoir un chapeau ? Je suis là. À bout de souffle et à force de crier, Sorina décide d'abandonner et de rentrer au zoo. Je suis désolée, Gigi, mais je n'ai pas ton chapeau. Je suis tellement petite que personne ne m'a vue ni entendue dans le magasin. Gigi et Sorina décident alors d'aller parler à leur ami Pipo, l'hippopotame qui se trouve être en pleine baignade. Coucou Pipo, l'eau est bonne ? Oui, quel bonheur de se rafraîchir par cette chaleur. Venez me rejoindre, ça vous fera le plus grand bien. Rien de mieux qu'un petit bain. En fait, nous avons besoin de ton aide. Toi qui es si fort, saurais-tu nous aider ? Les amis lui racontent leurs mésaventures. Sans hésiter, Pipo sort attraper sa serviette pour se sécher et se précipite d'un pas lourd et décidé en direction de la boutique. Il est très content de pouvoir aider ses amis Gigi et Sorina. Mais une fois arrivé, il rencontre lui aussi un petit obstacle. Il revient bredouille et annonce à ses amis. Aïe, aïe, aïe, je suis désolé, mais moi non plus je n'ai pas le chapeau. Je suis si large que je n'ai pas pu entrer dans le magasin de chapeaux. Oh, que les portes des humains sont étroites. Le soir, en préparant le repas avec ses acolytes, Gigi est toujours aussi préoccupée. Et elle commence à avoir mal à la tête à cause de la forte chaleur de la journée. « Que vais-je faire ?» dit Gigi. « Je ne sais vraiment pas, » dit Pipo, tout en mettant la table. « J'ai une idée !» dit Sorina. Gigi et Pipo prennent un air intrigué, pendant que Sorina leur explique son plan. Puis tous les trois se mettent à rire de bon cœur. Ne perdons pas de temps, les amis. Après le dîner, allez vite préparer vos valises. Demain, nous partons pour un long voyage en bateau. Nous allons traverser l'océan Atlantique pour aller dans un endroit où nous serons certains de trouver un magasin de chapeaux dans lequel nous pourrons tous entrer. Le lendemain matin, à l'aube, Gigi, Sorina et Pipo se font réveiller par la sonnerie tonitruante du réveil. Le zoo est silencieux. Il fait encore nuit dehors et aucun animal n'est levé. Les trois compagnons sont prêts. Les valises sont remplies de leurs plus belles tenues et de leur appareil photo. Mais Gigi, encore un peu endormie, s'interroge. Au fait, où allons-nous précisément, Sorina ? À New York. Là-bas, tout est magique, tout est possible, tout est gigantesque. Gigi et Pipo n'en reviennent pas. Ils vont découvrir New York. Arrivé à destination, après plusieurs jours de navigation, Pipo déplie sa carte pour trouver l'adresse de la boutique de chapeaux. En fin de journée, et après des heures de marche, les trois camarades épuisés arrivent enfin devant l'immense devanture du magasin de chapeaux. Gigi est tellement heureuse. Il y a des casquettes, des bonnets, des chapeaux, des turbans, des visières, des bérets, des képis et même des toques. Au milieu de ce vaste choix, elle réussit à trouver un chapeau à sa taille. Le chapeau dont elle rêvait depuis si longtemps. Elle est enchantée. Le lendemain, toute la petite bande retourne prendre le bateau pour rentrer à la maison. Tous sont impatients de raconter leur grande aventure à leurs amis et montrer les nombreuses photos qu'ils ont prises devant la Statue de la Liberté. Quel voyage nous avons fait! C'était incroyable, dit Gigi. Merci les amis de m'avoir accompagné si loin. Merci de m'avoir permis de trouver le chapeau de mes rêves. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Une fois arrivé au zoo, après avoir déposé sa valise et retrouvé ses amis pressés d'écouter les détails de leur expédition, Gigi s'exclame « Oh zut ! J'ai oublié mon chapeau dans le bateau !» Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.